Voici en 15 minutes l'intégrale de La Parure, nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1882. Enregistrement de Jean-Paul Lexis, décembre 2018.